السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا وبعد. وكنتني نسبيكاسون دو نواقد الإسلام للشيخ الفوزان حفظه الله. إلى جي قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم أن نواقد الإسلام عشر نواقد. الأول: الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنهم ذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر، وأشهرها الشرك في عبادة الله. نعم، الشيخ الأجي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. Sache que les annulatifs de l'islam sont nombreux. Et parmi eux, 10 annulatifs. Le premier, le polythéisme, le shirk, dans l'adoration d'Allah, comme il a dit, Azzawajal, Inna Allah la yaghfira yushrakabihi, wa yaghfira ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit dans son adoration, et il pardonne en dehors de cela, en dessous de cela, à qui il veut. Il a dit aussi, Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alayhi janna. Certes, celui qui associa Allah autre qu'Allah à son adoration, Allah lui aura interdit le paradis et sa destination finale sera l'enfer et point de secours pour les injustes, les polythéistes. Il a dit parmi le shirk, le fait d'égorger pour autre qu'Allah, comme ceux qui égorgent pour les djinns ou pour les tombes. Et le plus connu et le plus répandu des types du polythéisme, c'est le fait d'adorer autre qu'Allah, al-shirk fi ibadatillah, ou d'associer autre à Allah dans son adoration. Et Cheikh Fawzan il a dit, hafidhahullah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Il a dit que toutes les louanges sont à Allah, le Seigneur des univers, et que la prière et le salut d'Allah soient sur notre prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille et ses compagnons, et l'ensemble de ses compagnons. أما بعد، ceci étant dit, فإنه يجب على المسلم أن يخاف على دينه أكثر مما يخاف على نفسه وعلى ماله. فماذا يخاف على دينه؟ Il a dit qu'il est obligatoire pour le musulman de craindre pour sa religion plus qu'il craint pour son âme et son argent. Ensuite, il a dit, et qu'est-ce qu'il doit craindre pour sa religion؟ يخاف على دينه من الفتن والشبهات. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن كقطع الليل المظلم كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. Il dit qu'il doit peur, il doit avoir peur pour sa religion face aux fitan, aux troubles et aux shubuhat et aux ambiguïtés comme le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam إِنَّا سَتَكُونَ فِتَنْ qui aura beaucoup de fitan, beaucoup de troubles, comme les couches d'une nuit obscure, et des ténèbres. C'est-à-dire que ce sont les fitan dans lesquels on ne verra pas la vérité, que ce ne sera pas clair pour les gens. Il a dit, يُسْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا. Au début de la journée, la personne sera croyante, et à la fin de la journée, elle sera mécréante. Il sera croyant au début de la journée et il sera mécréant à la fin de la journée. Il a dit « وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُسْبِحُ كَافِرًا » Et à la fin de la journée, il sera croyant et au début de la journée, il sera kafir à nouveau. « يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضِ مِنَ الدُّنْيَا » Il vendra sa religion contre dunya. C'est-à-dire qu'il changera beaucoup d'état dans sa religion. Un moment, il sera mécréant, un moment, il sera croyant et il vend sa religion pour dunya. إذا المسلم ما دام على قيد الحياة فإنه معرض للفتن معرض للردة عن دين الإسلام ولهذا إمام الحنفاء الخليل إبراهيم عليه السلام يدعو ربه فيقول وجنبني وبني نعبد الأصنام ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس. Il a dit que le Cheikh Fawzan il a dit, حفظه الله, que le musulman tant qu'il est en vie, il est soumis au fitan, il peut être soumis au fitan, il peut aussi être soumis à l'apostasie. Et il peut être jugé à l'apostasie et apostasier de l'islam. Il a dit c'est pour ça que l'imam des Hunafa, l'imam des monothéistes, Ibrahim, le Khalil, il a dit alayhi salam, وَجُنُوبَنِي وَبَنِيَ نَعْبَدَ الْأَصْنَامِ et écarte-moi et évite-moi, ainsi que mes enfants, qu'on adore les statues et les idoles. Il a dit رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ certes, mon Seigneur, ils ont égaré beaucoup parmi les gens. فهذا الخليل الذي كسر الأصنام بيده وأودي في سبيل ذلك وألقي في النار يخاف على نفسه أن يرتد عن التوحيد ويعبد الأصنام. Il a dit que ça, c'est un Khalil, l'ami intime d'Allah, qui a cassé les statues avec ses mains et qui a été torturé pour cela et qui a été jeté dans le feu, qui a été jeté dans le feu d'un dunya. Malgré ça, il a peur pour lui-même d'apostasier et de sortir du tawhid et d'abord et d'adorer les statues. Il a adoré les statues, les idoles. Laylan alladhina abaduha نوع من البشر وعندهم عقول وإدراك ولم تنفعهم عقولهم ولا إدراكاتهم وتمنعهم من أن يعبدوا الأصنام. Il a dit parce que ceux qui ont adoré les statues, les idoles, sont des humains comme lui et ils ont une raison et ils ont un sens. Ils ont un sens avec lequel ils peuvent comprendre les choses. Mais malgré ça, ça ne les a pas empêchés. Leur raison et leur sens ne les ont pas empêchés d'adorer les statues. Il dit فإبراهيم عليه السلام لما رأى كثرة من وقعوا وفتنوا بعبادة الأصنام خاف على نفسه ودعا ربه أن يثبته على دين التوحيد لا يزيغ قلبه أو قلبه كما زاغ هؤلاء. Il dit إبراهيم عليه السلام quand il a vu le nombre de personnes qui sont tombées dans cette fitna, ils ont été éprouvés par l'adoration des statues, il a vu qu'ils étaient nombreux, il a eu peur pour lui-même. Il a donc invoqué son Seigneur qui le raffermisse sur le tawhid et qu'il fasse que son cœur ne dévie pas comme ceux-là ils ont dévié. فَإِنَّهُ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَالْبَشَرُ لَا تُؤْمَنْ عَلَيْهِ فِتْنَةٌ لِهَذَا كَانَ النَّبِيُّنَا مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الناس إيمانا وأكملهم توحيدا يخاف على نفسه فيدعو ويقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فتقول له عائشة أم المؤمنين تخاف على نفسك فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين أو أصبعين من أصابع الرحمن ولهذا فإن الخليلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم خافا على دينهما فلجأ إلى الله بأن يهديهما مما وقع فيه الأكثر من الخلق. Non, il a dit que parce que ces personnes-là, ce sont des humains. Et la personne, tant qu'elle est en vie, elle ne peut pas être en sécurité face aux fitna. C'est pour ça que le prophète Mohammed, alors que c'est la personne la plus complète au niveau de la foi et la plus parfaite au niveau du tawhid, il avait peur pour lui-même. Et il invoquait, il disait « Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik » « Oh toi qui fais retourner le cœur » en parlant d'Allah, il disait « Thabbit qalbi ala dinik » « Raffermis mon cœur » sur ta religion. فَتَقُولُ لَوْ عَائِشَةَ et après عَائِشَةَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ que la langue elle disait تَخَافُ عَلَى نَفْسِكَ est-ce que tu as peur pour toi-même. Le prophète il a dit sallallahu alayhi wa sallam يَا عَائِشَةُ مَا يُؤْمِنِّي qu'est-ce qui me met en sécurité, qu'est-ce qui me dit que je dois être ou je peux être en sécurité. Il a dit وَقُلُوبُ الْعِبَادِ بَيْنَ أَصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ alors que les cœurs des serviteurs sont entre deux doigts parmi les doigts de Ar-Rahman. Il a dit, c'est pour ça que les deux Khalil, les deux amis intimes d'Allah, Ibrahim et Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont tous les deux eu peur pour leur religion. Ils ont tous les deux pris le refuge auprès d'Allah et cherché refuge auprès d'Allah en l'invoquant et en lui demandant de les guider et de les éviter de tomber dans ce dans quoi sont tombés la plupart des gens. Il a dit, وَمَنْ حَالُهُ دُونَهُمَا أَوْلَى بِذَلِكَ فَلْيَخَفِ الْمُسْلِمْ عَلَى دِينِهِ وعلى نفسه من شر دعاة السوء من الشبهات والفتن فتنة الشهوة وفتنة الشهوة وفتنة الشبهة فليخف المسلم من ذلك فإذا خاف فإنه يأخذ بأسباب السلامة ويتجنب أسباب الهلاك أما أنه يخاف ولا يأخذ بأسباب السلامة ولا يتجنب أسباب الهلاك فالخوف لا يكفي فلا بد أن يكون مع الخوف عمل يقيه من هذه الفتنة. نعم il a dit que ainsi ceux qui sont en dessous de eux deux فأولى بذلك il est plus à même et il doit à plus forte raison craindre pour sa religion et pour son âme face aux du'at sous aux du'at les prédicateurs du mal et face aux shubuhat et aux fitan, face aux ambiguïtés et aux troubles. Fitnat al-shahwa, fitnat al-shubha. les troubles en lien avec les désirs et les passions, et les troubles en lien avec les ambiguïtés. Le musulman doit avoir peur de cela. Si jamais il a peur, il doit aussi prendre des causes qui vont le préserver. Et il évite les causes qui vont le faire périr. Mais par contre, le fait qu'ils disent qu'il a peur et qu'il ne prend pas les causes, qu'il ne fait pas les causes pour se préserver et qu'il n'évite pas les causes qui vont le faire périr, la peur, ça ne suffit pas. La peur, ce n'est pas suffisant. Il faut absolument qu'il y ait avec cette peur-là une action qui le préserve de ses fitnas, de ses troubles. Il a dit que ça, c'est quelque chose de très dangereux, parce que ce n'est pas possible de connaître ces agnotifs-là et ces ambiguïtés et ces idéologies égarantes, sauf avec la science utile. Parce que l'ignorant, il peut tomber dans ces choses-là sans être au courant et sans le savoir. Il a dit que l'ignorant, il suit les gens et il pense du bien de eux, il fait comme eux. Alors que le savant, lui, sa science lui sera profitable par la permission d'Allah Azza wa Jal, et il évitera ces choses-là. Et celui qui connaît mieux Allah, il le craindra plus. Celui qui connaît mieux Allah, il le craindra plus que les autres. فيتعلم الإنسان العلم النافع لا سيما علم العقيدة فيعرف العقيدة الصحيحة من أجل أن يتمسك بها ويعرف نواقض العقيدة ومفسداتها حتى يتجنبها كما قال حذيفة بن اليمن كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فهذا هو الفقه لأنه ما زكى نفسه وقال Il a dit ainsi, il est obligatoire pour la personne d'apprendre la science utile, surtout la science de la croyance à l'aqida, et qu'il connaisse l'aqida qui est correcte, de sorte à ce qu'il s'y attache et qu'il connaisse les diminutifs de l'aqida, de la croyance, et ceux qui la détruisent, de sorte à les éviter. Comme il a dit Hudayfa ibn al-Yaman, qui est un compagnon, il a dit que les gens demandaient au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par rapport au khayr, au bien, et moi j'ai demandé par rapport au mal, au shar, par peur qu'il ne m'atteigne. Le shaykh l'a dit, ça c'est ça la compréhension, parce qu'il n'a pas fait l'éloge de lui-même, il n'a pas dit que je connais la science, il a dit par peur que ça ne m'atteigne. Ensuite le shaykh l'a dit, ونحن الآن في خضم فتن عظيمة وشبهات مضللة ودعات سوء وأشياء كثيرة لا تخفاكم فيجب على الإنسان أن يعتني بأمر دينه ويخاف عليه. Il a dit que nous sommes actuellement dans une foule de fitanes qui sont immenses et de troubles et d'ambiguïté qui égare les gens. Et de doigts sous des prédicateurs du mal et beaucoup de choses que vous n'ignorez pas. Il a dit ainsi, c'est obligatoire pour la personne de donner une grande importance à sa religion et d'avoir peur par rapport à sa religion. Il a dit, wa wujida man yaqulu limadha tata'allamuna tawhida wa tuhadhiruna min ash-shirk وأنتم أولاد عقيدة وأصحاب فطرة أنتم في بلاد التوحيد فلا تحتاجون أنكم تدرسون التوحيد وتعرفون أنواع الشرك ولا أن تشغلوا أو تشغلوا مناهج الدراسية ولا أن تشغلوا المناهج الدراسية بكتب العقيدة وتعلموا الأولاد هذه الأشياء لستم بحاجة إلى أن تعرفوا الشبهات والمذاهب المنحرفة وضلالاتها فلستم بحاجة إلى هذا. الشيخ لا يجي كو يلي سيغتن personnes qui disent que pourquoi est-ce que vous étudiez le tawhid et vous mettez en garde contre le shirk alors que vous êtes des enfants d'une aqidah propre, une croyance qui est propre, et vous êtes des gens qui sont attachés à la fitra. D'ailleurs, vous êtes aussi dans un pays de tawhid, en Arabie, vous n'avez donc pas besoin d'étudier ces choses-là, d'étudier le tawhid, ni de connaître les différents types de shirk, et vous n'avez pas non plus besoin d'occuper les programmes dans les écoles et de les remplir de livres de aqidah, de livres en rapport à la croyance, et non plus d'apprendre aux enfants toutes ces choses-là. Vous n'avez pas besoin non plus de connaître les ambiguïtés et les différents madhahib, différents sectes qui sont égarés et leur égarement. Vous n'avez pas besoin de tout cela. Le cheikh l'a dit, فالواجب على الإنسان أن يعرف هذه الأمور من أجل أن يسلم من شرها وفتنتها فلا يمكن أن تتجنب الشيء وأنت لا تعرفه ولا يمكن أن تتمسك بالحق وأنت لا تعرفه فقد تعتقد الحق باطلا وباطل حقا وأنت لا تدري فهذا أمر مهم جدا. Il a dit que ça, c'est une grande tromperie et c'est l'ignorance et de l'égarement et le fait de vouloir égarer les gens. Il a dit que ce qui est wajib pour la personne, c'est de connaître toutes ces choses-là pour se préserver de leur mal et de leur fitna. Et il a dit, Havidallah, c'est pas possible pour la personne d'éviter une chose qu'elle ne connaît pas, et c'est pas non plus possible de s'attacher à une chose et s'attacher à la vérité alors qu'elle ne la connaît pas. Il a dit, c'est possible que tu penses que la réalité ce sera faux et que le faux ce soit la réalité alors que tu ne sais pas, sans le savoir. هذا أمر مهم جدا يجيك أن سيسا سين شوز تخيل بورتانت ويقولون أنتم تكفرون الناس لماذا تظهرون هذه الأشياء فنقول نحن لا نكفر الناس لا نكفر الناس إلا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولكننا نخاف على أنفسنا ولا نزكي أنفسنا فنأخذ بالأسباب بأسباب النجاة ونحذر الناس وننصحهم. Il a dit que certaines personnes disent aussi que vous rendez mécréants les gens. Pourquoi est-ce que vous extériorisez toutes ces choses-là? Pourquoi est-ce que vous montrez ces choses-là aux gens? Il a dit, فَنَحْنُ نَقُولُ لَا نُكَفِّرُ النَّاسِ. Nous disons que nous ne rendons pas mécréants les gens. Nous ne rendons pas mécréants les gens. Sauf ceux que Allah il a rendu mécréants et son prophète il a rendu mécréants sallallahu alayhi wa sallam. Et plutôt, on a peur pour nous-mêmes, on a peur pour nous-mêmes et on ne fait pas l'éloge de nous-mêmes. Et on prend les causes qui vont nous préserver et on met en garde les gens et les conseille. On met en garde les gens et on les conseille. ونحن أيضا نتعلم هذه الأمور من أجل أن نبين للناس أمرها وندعو إلى الله على بصيرة حتى نسلم ويسلم الله بنا من شاء من عباده. في الحقيقة إن الأمر خطير جدا. Il dit de même que nous apprenons ces choses-là pour les expliquer aux gens et leur clarifier les points de la religion et pour appeler à Allah avec science, à la basira, hatta naslam, de sorte à ce qu'on soit préservé nous et qu'Allah préserve par notre biais ce qu'il veut parmi ses serviteurs azawiyal. Il dit, فَالْحَقِيقَةُ إِنَ الْأَمْرَ خَطِيرٌ جِدًا. Donc, ce qui est réel, c'est que la chose est très très grave. وَنَوَاقِدُ الْإِسْلَامِ كَمَا سَبَقَ هِيَ مُفْسِدَاتُهُ وَمُبْطِلَاتُهُ فمن أسلم وشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله فقد ينقض إسلامه وتوحيده بناقد من هذه النواقض وهو لا يدري أو لا يدري وهو يدري أو لا يدري فيكون مرتدا في عداد الكافرين. Il a dit que نواقض الإسلام, les objectifs de l'islam, comme on a déjà dit, ce sont ceux qui l'annulent et qui le rend vain. Et toute personne qui se convertit, qui atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adoré sauf Allah, que la ilaha illallah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager, il peut annuler son islam et son tawhid avec un des annulatifs parmi ces annulatifs-là, qu'il le sache ou pas, qu'il le sache ou pas, et ainsi il sera un apostat parmi le nombre des mécréants. La waqid al-islami kathiratun awsalaha ba'duhum ila 400. Il a dit que les annulatifs de l'islam sont très nombreux. Certains savants ont dit qu'ils sont au nombre de 400 annulatifs. Au nombre de 400 annulatifs. لكن أهمها وأخطرها هذه العشرة التي ذكرها الشيخ الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله نصيحة للأمة وخوفا على الأمة للوقوع فيها. Il a dit que les plus importants ce sont, et les plus dangereux, ce sont ces 10-là que le cheikh, l'imam Mujaddid, le revivicateur Mohammed ibn Abdel Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a cité par guise de nasiha, par conseil pour la Ummah, et par peur pour la Ummah qu'elle tombe dans ces choses-là. فهو إنما كتبها وأظهرها نصيحة للأمة وخوفا عليها وإشفاقا عليها لا أنه يكفر المسلمين كما يقول أعداؤه وخصومه إنما ينصح المسلمين ويذكرهم أو يذكرهم ويعلمهم لأجل أن يجتنبوها ويبتعدوا عنها. Il a dit que le cheikh a cité ces nawaqid là, ces nominatifs là, par guise de nasiha, pour conseil pour la Umma, et par peur pour la Umma, et par pitié pour elle aussi, qu'il tombe dans ces annuatifs-là. Et c'est pas parce qu'il est un mécréant, contrairement à ce que disent ses ennemis, mais c'est parce qu'il conseille les musulmans, il les rappelle, et il leur enseigne aussi, pour qu'ils les évitent et qu'ils s'écartent de ces annuatifs-là. Il y a le naqid al-awwal, huwa akhtaru nawaqid wa ashadduha. Le premier annuatif, le premier parmi les annuatifs, c'est le plus dangereux et le plus grave, c'est le shirk, le polythéisme dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Il a dit l'ibada, l'adoration, ça vient du ta'aboud, le fait de se ravelir et de se rabaisser de façon volontaire et de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal par le biais de ceux qu'il a légiféré. Ça, c'est l'adoration. Et dans la langue arabe, comme il dit savant, l'ibada, ça vient du abada, comme il dit tariqatun mu'abada, ou tariqatun mu'abad. Ça veut dire un chemin qui avilit, dallatul aqdam, un chemin qui a été rabaissé. Les gens sont passés sur un chemin jusqu'à ce qu'ils l'ont rabaissé, ils l'ont avili. On dit ça, tariqul mu'abbad. Comme certains disaient parmi les Arabes, ala maurin mu'abbadin, ala maurin mu'abbadin, maur mu'abbad. Ça, c'est un chemin qui a été rabaissé, que les gens ont marché sur ce chemin-là et ils l'ont ravili et rabaissé. Donc l'adoration, c'est pareil, c'est le fait de se rabaisser, de se ravilir de façon volontaire et de se rapprocher d'Allah par ceux qu'il a légiféré. Et يبعد العلماء يعرفها بأن غاية الحب لله عز وجل مع غاية الذل له وهذا تعريفها المجمل. Il a dit, le cheikh a dit, حفظه الله, que certains savants définissent l'adoration en disant que c'est le fait d'aimer Allah le plus possible, au maximum, avec le rabaissement le plus possible. C'est-à-dire l'amour extrême et le ravilissement, le rabaissement extrême. C'est ce qu'il a dit Ibn Qayyim, rahimahullah. Il a dit ça, c'est une définition mujmal. Wa ta'rifuha al-mufassal kama qala al-shaykh al-islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-a'mali wal-aqwali al-zahirati wal-batina. Il a dit que la définition précise et détaillée, comme il a dit Cheikh al-islam Ibn Taymiyyah, qu'elle a fait mes accords, l'adoration, c'est un nom vaste qui englobe toute chose qu'Allah il aime, Azza wa Jal, et qu'il agrée parmi les actions et les paroles, que ce soit apparent ou caché, que ce soit apparent ou caché. Ensuite, il dit وَهَذِهِ الْعِبَادَ بِمَعْنَاهَ الشَّامِلِ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة فهي ظاهرة على اللسان والجوارح وباطنة في القلوب فهي تقرب إلى الله بما شرعه. Il a dit que ça, c'est la définition de l'adoration de façon vaste et de façon précise aussi. Ça englobe tout type d'adoration. C'est un nom qui regroupe toute chose qu'Allah il aime et qu'il agrée, Azza wa Jal, parmi les actions et les paroles, que ce soit apparent ou caché. C'est apparent sur la langue et sur les membres du corps, et c'est caché dans le cœur. Et ce fait de se rapprocher à Allah, Azza wa Jal, par ceux qu'il a légiféré, Les différents types d'adoration sont nombreux et ils sont cités dans le Coran et dans la Sunna. Quand on dit que c'est le fait de se rabaisser et de s'avilir de façon volontaire, yakhruju bidhalika al-dhul wal-khudu', yakhruju bidhalika al-dhul wal-khudu' al-ittirar. Ça comprend pas le fait qu'on se rabaisse de façon involontaire et qu'on se ravélise de façon involontaire, comme c'est le cas des gens en général, que ce soit des mécréants ou pas, sont tous des serviteurs d'Allah, qu'ils le veuillent ou pas. D'ailleurs, فكل الناس عباد لله المؤمن والكافر بمعنى أنهم خاضعون ومقادون لأقدار الله النافذة فيهم وهم عباد الله يتصرف فيهم كيف يشاء ولا أحد يخرج عن قضاء الله وقدره. Et ainsi, toute personne, tous les gens sont des serviteurs d'Allah, les croyants, les mécréants, de sorte à ce que, ils sont tous rabaissés, ils sont tous avilis devant ce qu'Allah a décrété, et ce sont ses serviteurs, il agit sur eux comme il le désire, et personne ne peut sortir de ce qu'il a décrété, et de ce qu'il a destiné, comme il a dit. سبحانه وتعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. Et tous ceux qui sont dans les cieux et dans la terre, يوم القيامة, vont tous venir comme étant des serviteurs de Ar-Rahman. هذه هي العبودية العامة. هي ليست اختيارية, إنما هي اضطرارية. Ça c'est le fait d'adorer Allah de façon générale. L'adoration de façon générale, et c'est pas de façon volontaire, c'est de façon involontaire, yani de façon forcée. Toute personne est forcée, elle peut pas sortir de cette adoration-là. Qala ta'ala, wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilayhi yurja'un. Il a dit que c'est à lui qu'appartient tous ceux qui se soumettent à lui dans les cieux et dans la terre, de bon gré ou de malgré, bon gré ou malgré, qu'ils le veillent ou pas, ils vont tous retourner vers lui, Il dit, وَقَوْلُنَا هِيَ تَقَرُّبُ إِلَيْهِ بِمَا شَرَعَهُ يَخْرُجُ التَّقَرُّبُ وَيُخْرِجُ التَّقَرُّبَ إِلَيْهِ بِمَا لَمْ يَشْرَعُهُ مِنَ الْبِدَعِ وَالْمُحْدَثَاتِ. Quand on dit que c'est le fait de se rapprocher d'Allah par les biais de ce qu'il a légiféré, ça fait sortir le fait de se rapprocher d'Allah, avec une chose qui n'a pas rendu légiféré, comme les innovations et les inventions. فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ تَقَرُّبُ إِلَى اللَّهِ بِمَا شَرَعَهُ اللَّهُ لِعِبَادِهِ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَمَّا أَنْ يُحْدِثَ الْإِنسَانُ عِبَادَةً مِنْ عِنْدِهِ أَوْ مِنْ عِنْدِ شَيْخِهِ أَوْ مِنْ عِنْدِ فُلَانٍ أَوْ عَلَّانٍ غَيْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِيَ عِبَادَةٌ مُبْتَدَعَةٌ بَاطِلَةٌ مَرْدُودَةٌ. Il a dit que l'adoration doit être forcément avec ce que Allah a rendu légiféré par le biais de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais le fait que la personne invente une chose, une adoration venant de elle ou venant de son cheikh ou d'une telle personne autre que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ça sera une adoration qui est inventée et une innovation qui est nulle et qui sera rejetée, Comme le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Man amina amalan, laysa ali amruna fahuwa raddun » wa qala sallallahu alayhi wa sallam, « Man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun » wa qala sallallahu alayhi wa sallam, « Wa iyyakum muhdathatul umur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala kulla dalalatin fi nar » Le prophète a dit dans le hadith, sallallahu alayhi wa sallam, « Toute personne qui fait une action dans laquelle il n'y a pas notre ordre, son action sera rejetée. » Il a dit aussi, celui qui invente dans notre religion une chose qui n'avait pas partie, elle sera rejetée. Il a dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, je vous mets en garde contre les choses innovées. Car toute chose innovée est une bid'a, et toute bid'a est un égarement, et tout égarement mène au feu. Il a dit, وَهَذَا هُوَ تَعْرِيفَ الْعِبَادَ. Ça, c'est la définition de l'adoration. أما الشرك فهو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. Il dit que le shirk, c'est le fait de vouer une chose parmi l'adoration pour autre que Allah عز وجل. Certains savants disent que c'est دعوة غيره مع ou تسمية غير الله بالله. Certains savants disent que le shirk, l'association ou sinon le polythéisme, c'est le fait d'adorer autre que Allah avec Allah ou de rendre autre que Allah égal à Allah عز وجل. قلنا إن العبادة أنواع كثيرة تؤخذ من الكتاب والسنة فلو صرف شيئا من أنواع هذه العبادة لغير الله فهو مشرك الشرك الأكبر المخرج من الملة. فمن ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو سجر لغير الله أو دعا غير الله من الأموات الغائبين أو استغاث بالأموات أو غير ذلك فهذا قد أشرك بالله عز وجل، لأن العبادات كلها بجميع أنواعها لله عز وجل. Il a dit que ainsi le nombre d'adorations sont nombreuses et différents types d'adorations sont nombreuses. On les prend du Coran et de la Sunna. Donc, toute personne qui voue une chose parmi les adorations, une chose parmi les adorations pour autre qu'Allah, ce sera un polythéiste qui a fait du polythéisme majeur, qui fait sortir de la religion, qui fait sortir de la religion de l'islam. Comme celui qui égorge pour autre qu'Allah, ou qui fait un vœu pieux pour autre qu'Allah, un nadr, ou qui se prostraine pour autre qu'Allah, ou qui invoque autre qu'Allah parmi les morts et ceux qui sont absents, ou qui demande secours et refuge, secours plutôt auprès de autre qu'Allah et des morts, ou autre que cela parmi tout type d'adoration. Donc, toute personne qui fait ça, il aura fait du shirk, du polythéisme majeur, et il aura associé à Allah autre que lui dans son adoration. Il y a l'ibadat kullaha jami' anwa'iha lillah, ya jami' anwa'iha lillah. Parce que toutes les adorations de ces différents types sont toutes pour Allah Azza wa Jal. Comme il a dit, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَقَالَ تَعَالَ وَعَبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Comme il a dit dans le verset, certes, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et comme il a dit aussi, et adorer Allah seul et ne lui associer rien dans son adoration. Il a dit, وَالْعِبَادَةُ لَا تَصِحُ إِلَّا بِشَرْطَيْنِ الشَّرْطُ الْأَوَّلِ الإخلاص لله عز وجل بأن يكون سالمة من الشرك، فإن كان فيها شرك فإنها لا تقبل، كما قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وقال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إلى ذلك l'adoration n'est pas valable que si il y a deux conditions. Première condition, l'ikhlas lillahi azza wa jal, la sincérité envers Allah azza wa jal, qu'elle soit préservée de tout shirk et de tout polythéisme, et que si jamais il y a du polythéisme, l'adoration ne sera pas acceptée. Elle ne sera pas acceptée. Comme Allah l'a dit, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Certes, il t'a été révélé à toi et à ceux avant toi que si jamais tu fais du polythéisme, tes actes seront vains et tu feras partie des perdants, les khasirines. Il a dit aussi, وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Si jamais ils avaient fait du polythéisme, ils auraient annulé tout ce qu'ils ont fait comme action. Ça, c'est la première condition. وَالشَّرْطُ الثَّانِي أَنْ تَكُونَ مُوَفِّقَةً لِسُنَّةِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم. Deuxième condition, c'est qu'elle soit en conformité avec la sunna du prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم. فَلَا يَكُنْ فِيهَا ابْتِلَاعٌ وَإِحْدَاثٌ لِقَوْلِهِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ وَمَرْدُودٌ. Et qu'il ne doit pas y avoir dans cette adoration-là d'innovation ou d'invention. Comme il a dit dans le hadith, sallallahu alayhi wa sallam, toute personne qui fait une action dans laquelle il n'y a pas notre ordre, elle sera rejetée, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas acceptée. فَمَنْ صَرَفَ شَيْئًا مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ أَيًّا كَانَ هَذَا الْمَصْرُوفُ لَهُ سواء كان صنما أو حجرا أو شجرا أو جنا أو إنسا أو حيا أو ميتا. فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك بالله عز وجل. الشرك والشرك هو أعظم الذنوب. نعم. Il a dit que toute personne qui voue une chose parmi les adorations, une chose parmi différents types d'adoration pour autre qu'Allah, c'est un mushrik, un polythéiste. Peu importe la personne pour qui ou la chose pour laquelle il a voué cette adoration-là. Peu importe la personne ou la chose pour laquelle il a voué cette adoration-là. Que ce soit une idole, une statue, une pierre, ou un arbre, ou un djinn, ou un homme, ou un vivant, ou un mort. S'il voue une chose parmi différents types d'adoration pour autre qu'Allah, alors ce sera un mushrik, un polythéiste. Il a dit, « وَالشِّرِكُ هُوَ أَعْظَمُ الذُّنُوبِ. » Et le shirk, c'est le plus pire et le plus important des péchés, le plus grave des péchés. إِذَا ذَكَرَ إِذَا ذُكِرَ فِي أَوَّلِ الْمُحَرَّمَاتِ قَالَ تَعَالَى قُلْ تَعَالَوْا أَتُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Il a dit que le shirk, c'est le plus grave des péchés. C'est pour ça qu'il a été cité en premier dans ce qui est interdit, dans les choses qui sont interdites. Comme Allah l'a dit, قُلْ تَعَالَوْا أَتُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ. dit, venez que je vous récite ce que votre Seigneur vous a rendu interdit. Allah tushigou bihi shay'an. C'est de ne pas lui associer quoi que ce soit dans l'adoration. Il a dit aussi, wala taj'al ma'a Allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuman makhdhula. Et ne donne pas d'associer à Allah, sinon tu resteras madhmuman blâmable et makhdhulan abandonné. Il a dit aussi, wala taj'al ma'a Allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannama malouman madhura. Et ne donne pas d'associer à Allah, sinon tu seras jeté en enfer, malouman madhura, en étant blâmable et en étant avili et avec la honte. Il a dit, فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ. Il a dit aussi, n'invoque pas avec Allah autre qu'Allah, sinon tu seras parmi ceux qui sont châtiés. فَلَا يَجُوزُ أَن يُتَّخَذَ مَعَ اللَّهِ سِوَاهُ فِي الْعِبَادَةِ لِأَنَّ الْعِبَادَةَ حَقٌّ خَالِصٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَسْتَحِقُّهَا أَحَدٌ غَيْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Il a dit que c'est pas permis de prendre autre qu'Allah comme divinité dans l'adoration, parce que l'adoration c'est son droit à lui seul, Azza wa Jal. Personne parmi lui ne mérite l'adoration. وهناك من يفسر الشرك بأنه عبادة الأصنام فقط. أما عبادة الأولياء والصالحين والأضرحة فليست بالشرك عنده، إنما هي توسل وطلب للشفاعة وما أشبه ذلك. والشرك عندهم فقط في عبادة الأصنام. Il a dit qu'il y a des gens qui expliquent le shirk en disant que c'est seulement l'adoration des idoles, et des statues, et que le fait d'adorer les pieux et les vertueux et les tombeaux, ça ne fait pas partie du shirk, et que c'est juste un tawassul, une cause pour se rapprocher d'Allah, et une demande d'intercession. Et pour eux, le shirk, c'est seulement le fait d'adorer les idoles et statues. Le cheikh il a dit, nous disons que le fait d'adorer les statues et les idoles, ça c'est un type parmi différents types du polythéisme. Le shirk huwa da'watu ghayr Allahi siwa sawa'un kana sanaman aw ghayrahu. Le shirk c'est le fait d'adorer autre qu'Allah, peu importe que ce soit une idole, une statue ou autre. والمشركون متنوعون في معبوداتهم فما اقتصروا على عبادة الأصنام منهم من يعبد الأصنام، منهم من يعبد الشمس والقمر، منهم من يعبد الشياطين، منهم من يعبد الأشجار والأحجار، منهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد المسيح وعزيرا، ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين، فهم متفرقون في عباداتهم لم يقتصروا على عبادة الأصنام. Il a dit que les mouchikoun, les polythéistes, ils sont de différents types dans ceux qu'ils adorent. Ils ont différents types d'adoration et différents types de choses qu'ils adorent. Ils ne sont pas arrêtés seulement à l'adoration des statues et des idoles. Parmi eux, il y en a certains qui adorent les idoles, les statues, d'autres adorent le soleil et la lune, d'autres adorent les shayatines, les djinns, d'autres adorent les arbres et les pierres, d'autres adorent les anges, d'autres adorent aussi Al-Masih, Isa alayhi salam, et Uzair, et d'autres adorent les pieux et les vertueux, les awliya comme ils disent, et d'autres adorent les pieux et les vertueux. Fahum mutafarriqun, ainsi ils sont différents dans leurs adorations, et ils ne sont pas limités à l'adoration des statues. Et les statues sont un type parmi un type des choses qu'ils adorent. Et il a dit que d'autres personnes disent que le shirk c'est le fait d'avoir la croyance qu'une autre personne, une autre divinité, crée avec Allah et donne le risque avec Allah ou dirige et administre les choses avec Allah. Et si jamais toi tu as la croyance et la conviction que personne ne donne le risque avec Allah et que personne ne crée avec Allah et personne n'est profitable ni nuisible avec Allah, alors dans ce cas-là tu es muwahhid, tu es un monothéiste. Le cheikh il a dit, نحن نقول له هذا لم يقوله المشركون الأولون هذا هو توحيد الربوبية. وهم لا يشكون في الربوبية إنما كانوا يعتقدون أن أصنامهم فما كانوا يعتقدون أن أصنامهم تخلق وترزق وتحيي وتميت أو تدبر، إنما يتخذونها وسائط بينهم بين الله. Il a dit que nous disons que ça, les premiers parmi les mouchikoun n'ont pas dit. Les premiers parmi les mouchikoun n'ont pas dit. Ça, c'est le tawhid dans la seigneurie, tawhid al-Rububiyya. Et eux, les premiers mouchikoun, ne faisaient pas de shirk dans la seigneurie. Ils n'avaient pas la croyance que leurs idoles créent ou donnent le risque ou donnent la vie ou la mort ou dirigent ou administrent avec Allah. إنما يتخذونها وسائط بينهم بين الله. Ils les prenaient juste comme intermédiaire entre eux et Allah Azza wa Jal. Comme Allah l'a dit dans le verset ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Ils adorent en dehors d'Allah ceux qui ne l'auraient ni nuisible ni profitable, et ils disent que eux ce sont nos intermédiaires auprès d'Allah. Injufa'a. Ma qalu ha'ula yakhluquna wa yarzuquna bal qalu yashfa'una lana 'inda Allah wa yatawassatuna 'inda Allah. Ils n'ont pas dit qu'ils créent ou qu'ils donnent le risque, mais plutôt ils ont dit qu'ils font shafa'a, ils intercèdent pour nous auprès d'Allah et ils sont les intermédiaires entre nous et Allah. Hadha al-qawl qawlun batil wa huwa hasrun lish-shirk. في توحيد الربوبية بل الشرك القبيح هو الشرك في الألوهية وصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. الشيخ a dit que cette parole là c'est une parole qui est caduque et ça revient à réduire le shirk seulement dans le tawhid al-rububiyya, dans la seigneurie. Il a dit que le shirk le pire et le plus grave c'est le shirk dans la divinité, dans l'adoration, c'est fait de vouer une chose parmi les adorations à autre qu'Allah azza wa jal. هذا هو الشرك الذي حذر الله منه وأرسل الرسل لإنكاره وشرع الجهاد لإزالته. أما الشرك في الربوبية فلا يكاد يوجد في البشرية أن أحدا يعتقد أن الأصنام تخلق وتدبر وترزق، إنما يقولون هذه وسائط وشفعاء لنا عند الله. هذا تفسير الشرك تفسير باطل. Il a dit que le shirk le plus pire, c'est le shirk dans l'adoration, le polythéisme dans l'adoration. Le fait d'associer autre qu'Allah à Allah dans l'adoration et de vouer à autre qu'Allah une adoration, une parmi les adorations. Il a dit « وَهَذَا هُوَ الشِّرْكَ الَّذِي حَذَّرَ اللَّهُ مِنْهُمْ » C'est de ce shirk-là qu'Allah l'a mis en garde. C'est contre ce shirk-là qu'Allah l'a mis en garde. Et c'est pour cela qu'il a envoyé les prophètes pour le blâmer. Et c'est pour cela aussi qu'il a légiféré le djihad pour l'enlever. Par contre, le shirk dans la seigneurie, Firoubiya, c'est quasiment introuvable dans l'humanité. Personne n'a la croyance que les statues et les idoles créent ou qu'elles administrent l'ordre ou qu'elles donnent le risque. Plutôt, ils disent que ce sont des intermédiaires et des intercesseurs pour nous auprès d'Allah. Le shirk li hada tafsir li shirk tafsirun batil. Cette explication là du shirk, dire que c'est seulement dans le rububiyya, ça c'est une explication qui est fausse et qui est caduque. Li yumina nas man yufassiru shirka bi annahu shirkun shirkul hakimiyya wa yaghfaluna ma 'adahu aw yaghfiluna ma 'adahu wa yaquluna at-tawhid huwa tawhid al-hakimiyya wa ash-shirk huwa shirk al-hakimiyya. Il a dit que certains parmi les gens expliquent le shirk comme étant le shirk dans le jugement, dans la législation, dans le fait de juger par autre que la loi d'Allah Azza wa Jal. Il a dit وَيَغْفِلُونَ مَا عَدَهُ. Et ils sont insouciants par rapport à ce qui est en dehors de cela. Ils disent que tawhid huwa tawhid al-hakimiyya wa shirk huwa shirk al-hakimiyya. Le tawhid, l'unicité, c'est seulement par rapport au jugement et par rapport à la législation. Et le shirk, pareil, c'est seulement par rapport à jugement, par rapport au fait de juger par autre que la loi d'Allah. Le shirk, il a dit, on a qu'il y a un nom min anwa' al-shirk, l'anna tashri'a haqqun lillahi, ou haqqun allahi azza wa jal, ou l'hukmu bima anzal allahu ibadah, lakin n'est-ce shirk mahsouran fi hada nom. Il a dit que ça, c'est un type parmi les différents types de shirk, parmi les différents types de polythéistes, ou de polythéisme. Parce que le fait de légiférer, ça c'est le droit d'Allah Azza wa Jal, et le fait de juger par ce qu'Allah a révélé, ça c'est une adoration. Mais le shirk c'est pas réduit à cette chose-là, c'est à ce type-là. Bah, le shirk 'amun fi du'a'i wa dhabhi Il dit que le polythéisme, c'est vaste, ça englobe l'invocation, le fait d'immoler, d'égorger le vieux pieux, le fait de demander secours. أما أن يحصر في نوع معين ويقال هذا هو الشرك هذا غلط وتضليل. Par contre, le fait de réduire le shirk à un seul type et de dire que c'est ça le shirk, ça c'est une erreur et c'est le fait d'égarer les gens. فلا يجوز أن يدخل في هذا أو يدخل هذا في عقل الطالب في عقل طالب العلم إلا لأناس لهم أغراض من وراء ذلك. فلو حكم بالشريعة وهو يدعو غير الله فهو مشرك. الشيخ il a dit que c'est pas permis de mettre ça dans la raison et la mémoire des étudiants en sciences, sauf pour les gens qui ont des envies et des intentions derrière ça. Il a dit parce que si jamais la personne met en application la sharia, elle met en application la législation, elle juge avec la législation la sharia et qu'elle invoque autre qu'Allah, c'est quand même un mushrik. فالحاصل أنه لا بد أن نعرف ما هو الشرك لأنهم يفسرونه بغير تفسيره فإذا تدبرت القرآن تجد أن الشرك هو عبادة غير الله تبارك وتعالى. Il dit que ainsi, il faut absolument qu'on sache ce que c'est que le polythéisme, le shirk, parce que les gens l'expliquent d'une façon qui n'est pas correcte, et que si jamais on médite le Coran, on verra que le shirk c'est le fait d'adorer autre qu'Allah. Comme Allah a dit, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Ils adorent autre qu'Allah et en dehors de Allah ceux qui n'auraient ni nuisibles ni profitables, et ils disent que ce sont nos intercesseurs auprès d'Allah. قال تعالى كل دعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. Il a dit invoquez ceux que vous prétendez être des divinités en dehors d'Allah, ils ne possèdent pas ne serait-ce que le poids d'un grain d'atome ni dans les cieux ni dans les terres ni dans les cieux ni dans la terre. Et هذا شرك في الدعاء كذلك الذبح لغير الله. Ça c'est le polythéisme dans l'invocation dans le dua, et ça c'est de même pour l'immolation, le fait d'égorger pour autre qu'Allah. قال تعالى فصلي لربك وانحر وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. Comme il dit dans le verset فصلي لربك وانحر, prie donc pour ton Seigneur et égorge pour lui. Il a dit aussi قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين, dit ma prière, mes aumônes et mes offrandes, ma vie et ma mort, tout appartient à Allah, le Seigneur de l'univers, le Seigneur des univers. La shirika lahu, nul associé à lui, wabidhalika umirt, et c'est ça qui m'a été ordonné. Fadhabhu wa salati li ghayrillahi shirkun wa shirku anwa' kathira. Donc le fait de immoler pour autre qu'Allah ou de prier pour autre qu'Allah, c'est du shirk, et le shirk est de différents types. Dabituhu anna man sarafa shay'an min anwa' al-ibadati li ghayrillahi fa huwa mushrik. Et comment est-ce qu'on le retient? C'est simple, c'est toute personne qui voue une chose parmi les différents types d'adoration pour autre qu'Allah, alors c'est un mushrik, c'est un polythéiste. On va s'arrêter ici, inshallah. Hada wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.